Chapitre 11e. Fusil à le bon tuyau. Quand Paulin Broquet disait à ses hommes « il faut », ses hommes comprenaient le sens de son ordre. Il fallait absolument. Il fallait coûte que coûte arriver au but, obtenir un résultat. Jusqu'à présent, chaque fois, dans les diverses et nombreuses affaires pour lesquelles il avait fallu, on avait gagné la victoire. Mais jamais affaire de ce genre spécial inattendu et si difficile ne s'était présentée. Il fallait oui, mais comment faire ce qu'il fallait? Comment remplir le désir du chef? Et cela, dans le plus bref délai possible. Il faut, avait encore dit Paulin Broquet, il faut absolument que nous tirions au clair cette affaire de la tête coupée avant de nous occuper de cette excellente Madame Verdier. L'amorce dut se rendre plusieurs fois auprès de son amie la fidèle Julie, pour, entre deux prises et trois verres de riquiqui, lui dire de faire patienter Madame Verdier. Sous peu, Madame Roulet, la chiromancienne, viendra lire dans sa main. En ce moment, elle était retenue, absorbée. Mais Madame Verdier ne perdrait rien pour attendre, et Madame Roulet lui dévoilerait l'avenir jusque dans ses moindres détails. Quelques jours de patience encore. Pendant ce temps, Paulin Broquet se lançait ardemment sur cette affaire. Il tenait à avoir une solution très prochaine. Dans le public dont l'émotion suscitée par la funèbre découverte allait croissant, on était avide de nouvelles. Les journaux commençaient à critiquer les services de la police de mettre tant de temps à éclaircir ce poignant mystère. Et l'anxiété était telle, l'opinion à ce point chauffée, que même Paulin Broquet, qui cependant ne comptait dans la presse que des amis et des admirateurs, commençait à ne pas trouver grâce dans les reportages. Mais n'était-ce pas entreprise folle que de prétendre trouver un corps dans ce Paris immense? Les exemples étaient malheureusement nombreux de l'inutilité des recherches à la suite de Paris découverte de corps dépecés. L'expérience disait que quand, au bout de quelques jours, on ne trouve pas le corps trahi par la putréfaction, il fallait à peu près abandonner tout espoir de le découvrir. Paulin Broquet, lui, ne s'occupait jamais des précédents et ne se souciait en aucune façon des exemples. À ses yeux, chaque affaire était nouvelle et ne comportait aucune affaire identique antérieure. Il agissait toujours comme si, pour la première fois au monde, il avait eu à s'occuper d'un cas dans le genre de celui dont il cherchait la solution. C'était le moyen de ne pas tomber dans la voie plus ou moins mal tracée des devanciers ou de ne pas s'enliser dans la routine. Tout d'abord, il envoya Lamorce et Gabriel s'enquérir des décès survenus dans les hôpitaux et faire le recensement, si l'on peut ainsi dire, des sujets fournis aux étudiants. Il était nécessaire, en effet, de se prémunir contre la blague macabre d'un carabin et d'une pièce anatomique. Puis il fit relever dans Paris les constats de décès. Parmi ces déclarations, faites dans les mairies avant la permission d'inhumer, il garda celle qui lui semblait pouvoir offrir quelques coïncidences avec la date probable de la mort de la jeune femme à la tête coupée, quelques relations avec son âge, la cause de sa mort. Lamorce devait faire des enquêtes chez les gens que ses deuils avaient frappés. C'était assez délicat, et il fallait l'habileté remarquable, le doigté spécial de Lamorce pour réussir dans ses démarches. Mais ces enquêtes ne donnèrent aucun résultat. Toutes les jeunes femmes mortes à cette époque avaient été enterrées selon les règlements ordinaires, la coutume constante de Paris. Aucun incident ne s'était produit qui méritât de retenir l'attention de Paulin Broquet. Il faudrait, finit-il par déclarer, pouvoir visiter les tombes de toutes ces mortes, et cela sans être absolument impossible, serait très difficile et très long. Le moyen peut être bon, il est impraticable. On devait donc se tourner d'un autre côté. Paulin Broquet se dit que puisque les aides étaient, de cela il gardait l'absolue conviction, les auteurs de cette profanation, forcément parmi les aides on parlerait de l'affaire. Aussi glissa-t-il de ses hommes chez Clafou pour recueillir les bruits, saisir les conversations. Lui-même, il se mit en quête, mais il ne s'en tint pas aux enfants de l'Aveyron. Il savait qu'en plus de cet établissement, parfois quelques aides, qu'il pensait être des chefs, se réunissaient dans un café des environs de la place Blanche. C'est là qu'un soir, Lamorce, en tant que fervent disciple du professeur Antime Souffray, amena le maigre poète, à qui il avait offert à dîner rue Le Pic, prendre quelques bocs. C'était le café Galant, du nom de son propriétaire. vaste établissement dont le caractère paisible tranchait avec les allures tapageuses des cafés d'alentour, des cafés montmartrois. Le café Galant formait, comme il s'en trouve dans chaque quartier de Paris, une sorte de petit coin de province au cœur bruyant de la capitale. Là se réunissaient par groupes, séparés les uns des autres, tout en voisinant, des amis formant entre eux une façon de cercle. C'étaient des habitués comptant de longues années d'assiduité, de fidélité. Chacun y avait ses habitudes, et la plupart leurs pipes conservées dans une petite armoire. Ils s'y trouvaient autour des tables de marbre de braves gens qui venaient régulièrement tout en fumant faire la partie de domino. Des artistes ayant eu leur heure de célébrité sur de grands théâtres, de plus jeunes encore dans la carrière, des rentiers, des représentants de grandes marques de commerce, des clercs de notaire, d'avoués, un avocat à l'inépuisable parole méridionale, un jeune lanceur d'affaires, quelques hommes de lettres, des sculpteurs. Plus loin, un autre cercle, dont un agent lyrique formait le centre. D'un autre côté, des fanatiques du bridge. Dans le fond, des jeunes gens parlant course et chevaux, tandis qu'autour du billard, des médecins et des magistrats se reposaient de la consultation ou des attendus en carambolant. Tout ce petit monde, sans se mêler, vivait en parfaite intelligence et, minuit venu, rentrait chez soi, laissant la place à un autre genre de clientèle venant des théâtres, remontant des boulevards. Servant tout le monde, connaissant les goûts de chacun, un garçon de café à la mine futée, aux petits yeux malins, allait, venait, alerte, toujours de bonne humeur, ne s'arrêtant que pour consulter un journal de course et faire ses pronostics pour le lendemain. Ce garçon, brave homme, très serviable, connu de toute la clientèle et dans le voisinage populaire, répondait au nom caractéristique de fusil. Il avait la marotte des courses, et bien que n'ayant jamais mis les pieds sur un hippodrome, prétendait connaître admirablement le cheval et être au courant de tous les secrets du turf. Il donnait volontiers des tuyaux que des clients, sportsmen ou affiliés à des jockeys lui glissaient à l'apéritif du matin, et quand son cheval gagnait, fusil triomphait. Ce brave fusil, outre son amour du cheval, qu'il ne voyait jamais courir, avait une autre passion, celle du fait divers, et une admiration profonde pour le héros policier Paulin Broquet, qu'il ne connaissait pas. Il faut dire que par un hasard dont il se montrait extrêmement glorieux, le brave fusil demeurait dans la même maison que Paulin Broquet, et de même qu'en tant qu'amateur de chevaux il croyait avoir les meilleurs tuyaux, en tant que voisin de Paulin Broquet, il se prétendait admirablement documenté sur tout ce qui touchait au crime, aux aventures policières. Parmi ses clients, ne faisant partie d'aucun groupe, mais venant assez fréquemment, Fusil comptait deux ou trois jeunes hommes, d'allure correcte, qui se plaisaient à le consulter sur les chevaux et lui demander son avis sur le fait divers sensationnel dont parlaient ce jour-là les journaux. L'un d'eux, qui était, paraît-il, représentant de commerce, pariait avec lui, courait les mêmes chances et, parfois, acceptait de risquer la mise que lui confiait Fusil sur un cheval. Ce client, nommé Amblard, était devenu un ami pour Fusil. Au jour de sortie, ils s'étaient rencontrés, avaient fait la causette. Ils avaient même déjeuné ensemble. Et l'amitié se corsant, quelques bons tuyaux échangés ayant rapporté pas mal, Fusil pensait à admettre son ami Amblard dans son intimité, à l'introduire chez lui et à lui faire goûter de la cuisine préparée par Madame Fusil. Cet Amblard, homme jeune encore et toujours correctement vêtu, était parfois rejoint au café Galant par un homme à barbe blanche et par d'autres hommes d'âge différents, mais tous ou employés de commerce ou représentants, qui prenaient leur apéritif le soir généralement ou se retrouvaient après dîner pour le café. L'un d'eux plus fréquemment venait au Galant. Il demeurait dans le voisinage et s'appelait Gaston Soclet. On disait qu'il était agent d'assurance. C'était un homme de 30 à 35 ans, très doux, paisible, excellent client facile à servir, qui s'intéressait ainsi que son ami à barbe blanche à l'amélioration de la race chevaline en pontant assez fortement. Fusil, avec le plus grand plaisir, s'empressait autour de ses clients, de son ami Amblard et des autres. Malgré sa bonne humeur, il servait avec moins de prévenance un client qui ne lui inspirait que peu d'intérêt. Ce client, avec des cheveux longs sous un large chapeau de feutre, une large cravate, un habit de velours, venait parfois attendre là, dans son carré justement, un autre individu que Fusy tenait par exemple en piètre estime. Ce dernier client était le poète précurseur, le génial Antime Souffret. Parfois, un ou deux hommes, des artistes sans doute, rejoignaient le client en qui, sans plus de mystère, on a reconnu l'amorce dans ce rôle de disciple du précurseur. Et ces autres clients, qui ne parlaient jamais de courses, de chevaux, de faits divers sensationnels, de beaux crimes, et semblaient réellement ne pas connaître le célèbre voisin dont Fusy se montrait si fier, étaient, cela est clair, Gabriel et Paulin Broquet. Or, un ou deux soirs après que Paulin Broquet s'était chargé de l'affaire de la tête coupée, le disciple du précurseur vint avec un de ses deux amis, bohème comme lui, s'asseoir à une des tables du quartier de Fusy. « Est-ce que M. Souffret est venu ? » demanda-t-il à Fusy. « Croyez-vous qu'il vienne ?»« M. Souffret ne m'a rien dit. Voici d'ailleurs pas mal de temps qu'on ne l'a vu. Bon, nous allons l'attendre. » L'amorce commanda, ainsi que son compagnon, une boisson quelconque, dénommée ironiquement apéritif, dont la principale qualité est de couper l'appétit. Fusy servit l'amorce et son compagnon, Paulin Broquet, vêtu lui aussi en pur artiste de Montmartre, puis il alla entamer la causette avec son compère Amblard, qui, en compagnie de son ami Gaston Soclet, occupait une table en face. Amblard et Gaston Soclet se tenaient tous deux sur la banquette placée au milieu du café. Ils avaient derrière eux le vide et les supports de cuivre pour les chapeaux, les manteaux. En face d'eux, se trouvaient, derrière la rangée de tables, les murs ornés de fresques, où des amours rebondies jouaient parmi des roses aussi grosses qu'eux, et entre ces panneaux peints, les glaces hautes et claires dans lesquelles se reflétait le café et précisément la porte d'entrée. De sorte que, sans bouger, en levant seulement les yeux, il pouvait voir qui pénétrait ici et à peu près tout ce qui se passait dans l'établissement. Paulin Broquet et l'amorce, assis, nous l'avons dit, en face, s'étaient placés différemment. L'amorce, lui, occupait la banquette de Moleskine, appuyée au mur, sous l'une des énormes glaces. Paulin Broquet lui faisait vis-à-vis sur une chaise. L'amorce, par conséquent, voyait distinctement le groupe Amblard et Gaston Soclet, tandis que Paulin Broquet, dans la glace, pouvait distinguer non seulement ce groupe, mais tout ce que celui-ci aurait aperçu dans la glace. De plus, Paulin Broquet et l'amorce, coiffés de grands chapeaux en feutre artistique, se cachaient mutuellement la figure, empêchaient Amblard et Soclet de les dévisager, de les étudier, et parvenait même à leur masquer la glace. Cependant, cette manœuvre n'eut pas l'air de causer au groupe Amblard grand ennui. Peut-être aussi n'avait-il rien à épier aujourd'hui, car il ne se soucia en aucune façon du jeu du miroir. Pour la Broquet et l'amorce en eurent l'explication. Sans s'en douter, ce fut le donneur de tuyaux, Fusy, qui la leur fournit. Le brave garçon, s'adressant à Gaston Soclet, vêtu de noir, comme quelqu'un frappé par un deuil récent, lui dit, voulant montrer sa compassion, « Allons, monsieur Soclet, faut pas vous frapper comme ça. C'est très cruel, je ne dis pas, une jeune femme charmante, car il n'y a pas à dire. Elle était très jolie, votre dame, et gentille. Les quelques fois qu'elle est venue vous demander ici, c'est à moi qu'elle s'adressait. Et elle avait toujours un mot aimable pour Fusy. Je serais bien allé à son enterrement, mais, vous savez, ici, le travail, je n'ai pas pu. C'est de la poitrine qu'elle est morte ? Oui. » La phtisie, c'est terrible, ça ne respecte rien. Au contraire, ça tape sur les meilleurs. Une femme a beau être jolie, jeune, avoir tout ce qu'il lui faut, elle est emportée. C'est comme un cheval. Quand il est poussif, il a beau être de l'extrait de pur sang, il va pas loin. Un coup de timbre annonça à Fusy qu'un client réclamait ses services. Il se sauva en criant « Voilà !» laissant Gaston Soclet, qui semblait vraiment très affecté, sur cette comparaison bizarre, et ce singulier témoignage de condoléances. Amblard, d'ailleurs, parut raisonner, morigénait même son compagnon qui, de temps en temps, essuyait ses yeux. Rien de tout cela n'avait échappé à Paulin Broquet et à l'amorce. Il pensait « Une jeune femme jolie, morte récemment de phtisie, et la femme d'un ami de ce monsieur Amblard, aux allures inquiétantes. Oh oh !» Mais, dans les renseignements qu'il possédait, Paulin Broquet ne voyait pas le nom de Madame Soclet. Assurément, ce Soclet s'appelait autrement ailleurs, où la jeune femme, peut-être sa maîtresse, avait-elle un nom à elle. « Faudra voir, » dit Paulin Broquet. « Fusy nous donnera le tuyau. » Un quart d'heure plus tard, Amblard et le désolé Gaston Soclet se retiraient. Fusil accourait pour leur dire au revoir. Très familièrement, amicalement, Amblard serre la main de Fusil et lui dit sur le pas de la porte « Alors, c'est entendu, pour un jour de cette semaine. Oui, mon soir de sortie, jeudi. Ça va, mais ne faites pas de folie. Plat de famille, je préfère. Ayez pas peur. Ma femme est Madame Fusil, mais elle ne vous fusillera pas. » Et content de son jeu de mots, il rentra en courant dans le café. Paulin Broquet et Lamorce avaient aussi entendu cela, et ces quelques mots les intriguaient fort. « Décidément, il faudra que Fusil nous donne le tuyau, » dit le détective. Peu après, le précurseur ne se décidant pas à paraître, les deux pseudo-poètes se retiraient. Vers 2 heures du matin, le brave Fusil, ayant fait de bon pourboire, touché quelques chevaux, après une journée bien remplie, rentrait chez lui fatigué, dormant presque en chemin. Il habitait un petit logement dans la maison, nous le savons, où Paulin Broquet occupait un appartement. Fusil demeurait 2 étages au-dessus. Comme il grimpait sans lumière l'escalier qu'il connaissait très bien, tout à coup, il se sentit saisi à bras-le-corps, ficelé, bâillonné et enlevé. Fusil, qui dormait à moitié, put croire qu'il faisait quelque mauvais rêve et qu'il devenait à son tour le héros d'un de ces faits divers qui l'enthousiasmaient. Mais il n'était qu'à demi rassuré. Qu'est-ce qu'on lui voulait? C'est pour boire? C'est tuyau pour demain? Il n'eut pas le temps de se poser plus longtemps cette question. Il se sentit déposé sur une chaise, dans l'obscurité, toujours. On détacha ses mains, on défit son bâillon, et la pièce dans laquelle on l'avait transporté fut tout à coup inondée de clarté. Devant lui, Fusil aperçut 3 hommes. Il reconnut aussitôt l'un d'eux, car, tout tremblant de surprise, frémissant d'émotion, se levant d'un bond, il s'écria « Paulin Broquet !»